12 A. Allemande, 20. Français, italien. Étudiante, oncle. 15. Brun, canadien. 60. Trompette, Lafon. Accordéon, Jean. Natation, danser. 1. An.